Le syndicat médical et sanitaire de Corée du Sud livre depuis le 28 septembre une grève générale contre la politique de travail des autorités. Ce jour-là, il a tenu à l'île de Yeouï, Séoul, un meeting de résolution pour la grève générale sous la participation de plus de 4000 syndiqués venus de 170 lieux de travail de toutes les régions. On y a lu une déclaration.